une série qui a duré pendant 7 ans, 7 saisons, qui est née en 1985, et qui déjà, au niveau de son staff technique, est assez atypique, puisqu'on retrouve un scénariste producteur du nom de Lee David Zlotoff, qui n'a pour ainsi dire rien fait d'autre que MacGyver. On retrouve parmi les producteurs ici le célèbre Fonzie de Happy Days, et chose assez rare, un consultant qui est ici, du nom de John Koivula, consultant qu'on est allé dépêcher dans une haute université en technologie, la California Institute of Technology, pour ses compétences précisément scientifiques. Donc c'est lui qui va mettre au point tous les trucs et les astuces de MacGyver. Vous voyez, c'est ainsi une petite pierre, parce qu'aujourd'hui, il est surtout connu dans le monde des minéraux et des pierres précieuses. C'est un grand scientifique qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors je vous disais, 7 saisons de MacGyver tournées d'abord à Los Angeles, puis à Vancouver. Ça fait quand même 139 épisodes et 2 téléfilms qui vont venir s'inscrire dans un paysage télévisuel hyper chargé dans ces années 80. On retrouve des supercopters, on retrouve Madame est servie, on va retrouver Magnum, Alf, l'agence touriste K2000, la croisière s'amuse. Grande époque, Chips aussi, Chips est fini depuis 2 ans, quand MacGyver démarre en 1985. Donc, grand moment de concentration de série. Alors, on s'est demandé, au moment de la programmation de cette rencontre, si ça avait encore du sens de parler de MacGyver, parce que MacGyver dit encore quelque chose dans la société d'aujourd'hui. La réponse est oui, à différents égards, pas toujours très positif. Il y a évidemment cette question du reboot que je vais vite mettre de côté, on va juste la montrer et l'oublier très vite, de 2016. Et puis d'autres choses, MacGyver fait partie de ces rares personnages à être entré dans le langage courant. MacGyver, c'est pour ainsi dire un nom commun, c'est presque une antonomase. Faire ne fait pas ton MacGyver, il fait son MacGyver. C'est toujours faire référence à des petits trucs, le système D. Système D dans la vie quotidienne. Alors en quoi est-ce que c'est négatif? C'est négatif parce que ça a associé quand même ce personnage de MacGyver à une série d'images, une photographie de la vie quotidienne dans ce qu'elle a de plus banal, de plus ridicule aussi parfois, des photos ratées, des yeux rouges, des trucs inutiles, des détours, l'aspirateur pour ramasser un linge tombé par le balcon, un barbecue sur un caddie de supermarché, un dispositif très complexe ici, faire passer et ses cheveux pour cuire une pizza. Ça, c'est la face la plus obscure, évidemment, de MacGyver. Autre face obscure qu'on peut regretter, c'est ce reportage de Paparazzi qui nous a montré Richard Dean Anderson tel qu'il serait aujourd'hui ici, en train de faire ses courses. On le voyait grossi, avec des vêtements amples, ne faisant pas très attention à son apparence, ou alors, plus problématique ici, avec sa voiture, et complètement désespéré, ne pouvant pas la réparer. Donc ce qu'on va devoir faire aussi aujourd'hui, c'est essayer de réhabiliter l'image de MacGyver. Pour ce qui est de l'acteur, ça va très vite. La réponse est que ces 2 reportages de Paparazzi, c'était simplement un mauvais jour, et MacGyver, vous voyez ici, il a quand même bien vieilli, je trouve personnellement. C'est un homme de son âge, tout à fait normal. Il n'y a pas de quoi en faire un foin. La question plus essentielle, c'est de savoir en quoi l'intelligence particulière de MacGyver peut encore faire sens aujourd'hui, ce qui la caractérise notamment par rapport aux héros qu'on a l'habitude de côtoyer désormais. Cette intelligence de MacGyver est très particulière, puisque MacGyver, c'est d'abord un homme d'action. C'est un homme d'action qui réfléchit, qui va résoudre des problèmes, mais cette intelligence, ce n'est pas par exemple l'intelligence d'un Sherlock, un personnage qui va avoir un palais mental dont on va nous montrer les coins, les recoins, les difficultés qu'il va falloir esthétiser pour nous aider à entrer dans son fonctionnement. Il n'y a pas du tout chez MacGyver ces difficultés d'accès, on entre directement dans son univers. Alors ça tient notamment au fait que les problèmes que MacGyver va être amené à résoudre ne sont pas des problèmes de nature purement intellectuelle. MacGyver se trouve toujours dans des situations où il va plutôt s'agir non pas de faire de l'investigation, mais plutôt d'avoir des techniques d'approche, des stratégies de diversion, des évasions, des explosions. Pour le spectateur, ce qui va compter le plus, c'est la résolution donc, de tous ces micro-problèmes, et on va attendre, toujours, on va attendre que survienne le moment où MacGyver va pouvoir résoudre ce micro-problème. Alors ces résolutions, elles prennent place dans des intrigues qui, en réalité, comptent beaucoup moins que tous ces petits obstacles rencontrés par MacGyver, qui sont des intrigues très souvent intéressantes et trop bien dire. Je vous en donne juste un exemple, c'est cet épisode qui tourne autour d'un dragon, un dragon en jade que la Chine fait venir en Europe. Alors, vous allez voir que la trame de cet épisode est assez terrible, puisque donc on a ce dragon, il faut le surveiller en Chine. MacGyver et Pete Thornton, on reparlera de lui, sont en train de le surveiller. Mac va être contacté par une certaine Lisa, enfin, dont il avait été amoureux, mais il croyait mort. Il apprend qu'elle a été prisonnière dans un camp de travail soviétique où elle a rencontré Nikolai, un agent KGB, qu'elle a épousé. Lisa et Nikolai souhaitent passer à l'ouest. Et Mac va devoir faire disparaître Lisa. Pour ça, il profite d'un spectacle de magie organisé par son ami Jack Dalton. Il fait disparaître Lisa, mais ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés par les Russes. Ils vont garder en otage. Alors, on va mettre un collier autour du cou de Lisa, un collier piégé. Si jamais on ne parvient pas à l'emporter, Lisa et Nikolai vont mourir. Alors finalement, MacGyver va parvenir à voler quand même ce dragon. Il va libérer Lisa. Je continue, c'est pas évident. On va retourner sauver finalement Nikolai, mais il apprend que Lisa n'a jamais été mariée à Nikolai. Ça était un mensonge. Et puis finalement, ils vont être enfermés dans cette chapelle et Lisa va rentrer dans le drame. Alors, vous voyez, finalement, c'est un tri très difficile à suivre, même quand on a le texte sous les yeux, parce que ce n'est pas un tri qui compte, ce sont tous les micro-événements qui vont venir se mettre. Alors, MacGyver, je vous disais, il n'a pas besoin de palais mental, il n'est pas nécessaire de projeter l'intérieur, l'univers mental de MacGyver sur des murs, avec des ficelles pour relier des éléments. MacGyver, ce qu'il nous faut pour nous montrer sa réflexion, ce sont des matériaux dans ce qu'ils ont de plus brut, du zinc, du bois, des liquides toxiques, toutes sortes de choses. Premier exemple d'astuce donc de MacGyver, où on voit effectivement cette réalisation, cette représentation de son cerveau en action. Idée toute simple, qui consiste à faire exploser, à créer une explosion. Donc, il prend un gant de vaisselle qu'il va mettre sur des tuyaux de gaz qui vont se remplir de gaz. Place une ampoule, on voit ici au-dessus du ballon, et puis de loin, il va lancer un projectile sur l'ampoule qui va exploser, qui va faire exploser le ballon et donc le gaz, et on obtient une explosion. Deuxième exemple de truc très astucieux, c'est celui-ci qui consiste ici en une stratégie de diversion. Vous avez un chariot à roulettes sur lequel est monté un dessus d'armure. Pour donner l'impression qu'il y a un personnage, MacGyver fixe un batteur électrique qui va relier à des piles pour qu'il y ait une autonomie, place un élastique autour de ce batteur et de la roue, ça fait une courroie de transmission, et à l'extérieur, donc il va déclencher le mécanisme, il va faire avancer tout cet ensemble, et lui permettre de s'enfuir, faisant croire qu'il y a un personnage qui avance tout seul. Deuxième astuce possible de MacGyver. Dans d'autres circonstances, ce sont des produits chimiques qui vont être utilisés. Le voici, c'est qu'un des frères, Colton, ils sont attachés tous les deux à un poteau. MacGyver appelle ce chien, qui s'appelle Grenouille, et lui demande d'aller chercher un bidon d'acide, un de ceux-là. Le chien ramène le bidon d'acide et le dépose sur ce dispositif, qui est une sorte de balançoire, une planche en bois, sur un tonneau, MacGyver tape dans la planche, le bidon passe au-dessous de lui et le rattrape par derrière, fait couler l'acide sur la corde et la corde se détruit et les voilà libérés. Dernier exemple, vous savez que quand on ment, le rythme, la, pression artérielle augmente, ça nous fait transpirer un peu plus, et il suffit pour savoir si quelqu'un ment de connecter deux fils sur la peau qu'on va relier, dans le cas présent, à un réveil. Si la personne ment, elle va transpirer, le courant électrique va passer d'un fil à l'autre et le réveil va sonner. C'est aussi simple que ça. C'est un détecteur de mensonges qui est fabriqué ainsi par MacGyver. Alors, vous voyez donc que MacGyver est davantage un espion qu'un enquêteur, mais davantage qu'un espion, MacGyver est quelqu'un comme vous et moi. C'est quelqu'un qui fait les choses avec simplicité et qui, d'ailleurs, se définit comme un anti James Bond. Ce lien à James Bond, cette répulsion vis-à-vis du personnage de James Bond, elle est totalement explicite dans la série MacGyver. Vous avez par exemple cet épisode où MacGyver se retrouve dans un casino et va se présenter à cette dame comme étant Bond, James Bond. Donc il va en rire lui-même après nous avoir dit que il déteste porter des costumes, que c'est insupportable, qu'il n'aime pas danser, qu'il n'aime pas l'alcool, enfin qu'il déteste tout ce que James Bond peut apprécier. Il en fera d'ailleurs mention dans un autre épisode quand il dira que il le regarde avec une certaine hésitation. Et dans mon souvenir, il ne le portera pas à ses lèvres. Oui. Alors, il nous dira oui aussi en ouverture d'un épisode, James Bond, lui, on l'envoie sur la Côte d'Azur où il se débrouille toujours pour tomber sur de superbes nanas. Moi, j'ai le don de me retrouver dans les coins les plus paumés qui soient. Donc c'est ici une sorte de confrontation avec James Bond où il nous montre au nom d'une vérité de l'action, d'une certaine vraisemblance de l'action, que sa situation à lui, en fait, elle est beaucoup plus réaliste, même si ça nous semble invraisemblable ce qu'on vient de voir avec ses expériences. En fait, la vérité, c'est MacGyver bien plus que James Bond. Alors, il est d'ailleurs quand même un espion, il est quand même un agent secret et possède toutes les dispositions de l'espion ou de l'agent secret. MacGyver parle plusieurs langues, l'anglais, le tchèque, le russe, l'allemand, l'espagnol et même le français. Et il a une très bonne condition physique. On sait qu'il a pratiqué énormément de sports, en particulier le hockey sur glace, qu'il a dû abandonner suite à des accidents. En quoi ça rejoint ici totalement la vie aussi de Richard Dean Anderson. On a vraiment ici un entremêlement de la vie de l'acteur Richard Dean Anderson et de la vie supposé de MacGyver, puisque tous deux ont été des passionnés de hockey. Mais ils pratiquent la Formule 1, l'alpinisme, le ski, ils font à peu près tout. L'intelligence de MacGyver est supérieure à la normale, d'une certaine façon, mais toujours dans des proportions raisonnables. MacGyver n'a pas une intelligence, des aptitudes qui seraient liées à des problèmes d'ordre pathologique. MacGyver ne souffre pas de paranoïa, il ne souffre pas de problème psychiatrique quelconque, il est juste normal, il est juste intelligent. Il n'a pas une mémoire particulière, comme on aurait ici, une mémoire eidétique où il retiendrait tout et qui en ferait un super-héros de la mémorisation. Ce n'est pas non plus un héros intelligent qui va développer toute une série de tics ou de superstitions, plus comme dans l'univers de Twin Peaks, c'est un héros tout à fait social, qui n'est pas sociable, qui n'est pas renfermé sur lui-même. Tout se passe bien avec les gens. MacGyver est juste astucieux et inventif. Son intelligence n'a pas non plus partie liée avec le mal. On ne peut jamais suspecter MacGyver de quoi que ce soit. Il est du côté du bien. Ça ne fait aucun doute. Et surtout, MacGyver ne consomme pas d'alcool. Il ne consomme pas de drogue et il n'utilise pas d'armes à feu. Ces quelques caractéristiques sont essentielles, même si pour les armes à feu, on peut une fois quand même le prendre la main dans le sac. C'est bien MacGyver que vous voyez ici, avec un fusil mitrailleur, et qui va utiliser. Donc il va tirer quelques balles, mais juste après ça, c'est dans le premier épisode, dans l'épisode pilote, il s'empresse de donner l'arme à son ami juste à côté de lui pour que ce soit l'ami qui continue. Mais toujours est-il qu'il l'a quand même fait. Ce sont les débuts de la série, il faut le temps que le personnage aussi se précise et se construise. Alors, toutes ces contraintes, toutes ces habitudes de MacGyver, pas d'alcool, pas de drogue, pas d'armes à feu, trouvent leur origine dans le passé de MacGyver, et il va très régulièrement s'en expliquer. Il va nous dire à peu près tout sur sa trajectoire, sur les raisons pour lesquelles il est comme ça. Par rapport à l'alcool, c'est une petite anecdote très simple qui est liée au fait que un jour, quand il avait 11 ans, il a bu une dizaine de canettes de bière avec un ami. Et donc ils étaient sous et ça leur a coûté leur amitié. Donc leur dispute est née de cette consommation d'alcool. Et quelques années plus tard, l'ami en question, qui a revu après un accident de voiture, est mort au volant et sa compagne est ressortie paraplégique de cet accident. Donc pour MacGyver, c'est très clair, il ne faut pas boire et l'explication se trouve dans le passé. Concernant les armes à feu, plusieurs explications, mais une première quand même. Celle qui arrive le plus tôt, il est parti en forêt avec des amis. Ils avaient acheté des armes. On est aux États-Unis. Et donc, ils partent dans la forêt avec ces armes. Normalement, pour jouer, ils devaient tirer sur des bouteilles. Et puis, un des amis commence à viser des oiseaux. MacGyver trouve ça insupportable. Il saute sur son ami pour l'empêcher de tuer un oiseau. Le pistolet s'envole, tombe à terre, en tombant pitié, et il touche un des amis de MacGyver qui meurt. La sortie est vraiment catastrophique. MacGyver est capable de le sauver, et déjà, il s'est fait aussi avec un vélo, mais il n'agit pas. Ce sera trop tard. Mais donc, première explication par rapport aux armes à feu, on verra qu'il y en a une autre. Alors, vous voyez donc, je vous disais, MacGyver, il nous donne des explications, des témoignages par rapport à toutes ces choses qui lui sont arrivées. C'est un élément fondamental du personnage de MacGyver. MacGyver est un des héros les plus bavards de toute l'histoire de la fiction, que ce soit de la littérature, de la télévision comme ici, n'importe quel média. MacGyver parle tout le temps. Chaque début d'épisode, une voix off. Qui nous met dans l'univers de MacGyver et qui soit va nous expliquer le contexte, pourquoi il est là, ce qui va se passer, nous donne des éléments, soit il nous parle de sa vie, présente, passée. Et puis il y a aussi toutes ces voix off quand MacGyver prépare ses trucs. C'est une façon aussi d'occuper évidemment de passer le temps parce que bon, ce ne sont jamais que des gestes, parfois très précis. Et donc, on a cette voix de MacGyver qui nous explique ce qu'il fait, ou qui nous dit pourquoi il le fait, parce qu'il s'est passé telle chose dans son passé. De temps en temps, il explique aussi toutes ces choses aux personnes autour de lui pendant qu'il est en train de préparer ses tours et qu'on le regarde un peu sceptique en se demandant si vraiment ça va marcher. Donc, la bande son dans la série MacGyver, elle est essentielle. C'est le lieu principal du biographique. C'est à travers cette bande son, ces voix off, ces dialogues, qu'on apprend tout, vraiment tout, de MacGyver. Le fait d'apprendre tout, ça en fait un personnage très particulier, puisque c'est un héros qui n'a rien à cacher. MacGyver est dans le partage de ses expériences. Il y a une seule chose qu'il va cacher pendant un certain temps et qui nous sera quand même révélée dans la dernière saison, c'est son prénom. Le prénom de MacGyver, Angus, nous sera enfin révélé dans la dernière saison. À part ça, MacGyver n'a pas de secret. Du tout. Alors, je vous donne un exemple de ces textes donc, qui nous permettent d'y voir un peu plus clair dans cette attitude, donc dans ces voix off de de MacGyver pour vraiment situer le, un peu le propos. Donc l'épisode commence, première phrase de MacGyver, je me souviens de ce cheval. Je me souviens de ce cheval, on comprend, on est tout de suite plongé dans son passé. Je me souviens de ce cheval, c'était un mufar. Le vieux MacGyver l'avait acheté dans une foire à Robespierre. Je devais avoir 9 ou 10 ans à l'époque, mais déjà je m'étais juré que je monterais dessus. Ce n'était pas évident. D'abord, il fallait que le vieux Max soit d'accord. Et puis, il y avait aussi son chien Hector. Ah, c'était pas de la tarte, ça, Hector. Il n'était pas aimable, le bout. Dès qu'on mettait le pied dans l'enclos, il fallait tenir son fond de culotte à deux mains et courir très vite. Sacré Hector. Oui, je me souviens de ce superbe Mustang qui me regardait fièrement quand je passais à proximité de son enclos. Il n'avait pas l'air comment, lui, non. J'avais l'impression qu'il me disait « T'approches pas trop, petit ». Mais un jour, la volonté de vaincre a dû être plus forte, etc. Le texte fait trois fois cet envers-ci, et va vraiment nous accompagner pendant tout le début de l'épisode pour nous parler de ce passé, donc très important, de MacGyver qui renvoie donc ici à son goût pour la nature. Alors, tous ces petits faits ben, font que MacGyver nous devient d'autant plus proche, parce qu'on découvre un MacGyver qui, en réalité, a eu une enfance tout à fait normale, qui n'a rien eu d'exceptionnel, sinon quand même qu'elle a été traversée par différents drames. Mais ce qui ressort essentiellement de l'enfance de MacGyver, c'est son éducation. L'éducation est centrale dans la construction du personnage de MacGyver. Que ce soit l'éducation à l'école, ou que ce soit l'éducation par sa famille, ou par une partie de sa famille, puisque il va être élevé par sa mère et son grand-père, le grand-père Harry, qu'on voit ici, puisque son père et sa grand-mère sont morts dans un accident de voiture. C'est ce grand-père qui, quand MacGyver a 10 ans, va lui acheter un manuel de petit chimiste et la boîte, toute la boîte qui va avec. Donc MacGyver va commencer à développer toutes sortes d'aptitudes et qui va lui acheter aussi un abonnement à une revue de mécanique qui fera que MacGyver va pouvoir se développer. Maintenant, à l'école, ça ne va pas, et donc on découvre un personnage quand même qui fait face à des difficultés. C'est un élève qui est toujours au fond de la classe, ça ne marche pas, c'est un autodidacte, jusqu'à ce qu'il y ait une révélation. Il va quand même finir à l'université, en section de physique, et en physique, il obtiendra le plus grand prix, grand prix de physique de sa promotion. Alors, ce qui ressort donc ici, MacGyver à l'œuvre, donc aussi très particulier dans la série quand même, c'est le va-et-vient permanent entre physique, chimie, mécanique. L'évolution, MacGyver est d'abord un physicien, ça c'est évident par ses études, mais la chimie, la mécanique sont des aspects qui maîtrise totalement. Alors, on nous présente donc un MacGyver qui, à travers son évolution, ben, a une vie de famille assez normale. Il grandit dans le Minnesota, où il fait froid. Il passe beaucoup de temps dans la nature, du scoutisme, évidemment, d'où il tire toute une série de valeurs. Il fait ses études, mais tout ça est relativement normal et ne s'inscrit pas vraiment dans une histoire. Encore une histoire qui serait propre aux États-Unis. Or, ce qui va ressortir très clairement, et c'est sur ça qu'on va pouvoir se pencher maintenant, de la trajectoire de MacGyver, c'est que MacGyver est un personnage inscrit dans son époque. On est en 1985. C'est l'époque où énormément de personnages de fiction sont des vétérans de la guerre du Vietnam. C'est un aspect très peu développé dans la série, mais qui est là quand même. MacGyver est parti au Vietnam, et comme Magnum, comme Hooker, comme Rambo, mais aussi comme tous les membres de l'agence touriste, il fait partie de ces personnages qui, revenus aux États-Unis, ont les plus grandes difficultés d'adaptation. Alors, ces difficultés sont évidemment variables. Rambo, c'est peut-être le cas le plus problématique, puisque c'est fondé sur une injustice. Il va vraiment se rebeller contre le pouvoir en place aux États-Unis. Dans le cas de l'agence touriste, c'est aussi une injustice, puisque c'est une équipe qui va braquer une banque au Vietnam, mais qui ne pourra pas prouver que ce braquage avait été commandé par le pouvoir américain. Et donc on va considérer que ils ont fait ça pour leur propre compte et seront poursuivis par la Suisse. Dans le cas de MacGyver, on n'a pas une injustice aussi nette. C'est beaucoup plus discret, mais malgré tout, il y a chez MacGyver incontestablement des séquelles de cette guerre. Première séquelle, c'est le refus des armes. Selon les moments dans la série, c'est tantôt cet épisode de jeunesse dont je vous parlais tout à l'heure qui compte, tantôt cette guerre du Vietnam où il a vu l'horreur et il ne souhaite plus utiliser des armes à feu, des explosifs préconstruits. Ça, c'est un premier aspect. Autre aspect malgré tout, c'est qu'on voit toute une série de caractéristiques psychologiques de MacGyver qui montrent que ce n'est quand même pas si simple que ça. MacGyver est insomniaque. MacGyver ne parvient pas à se fixer dans ses relations amoureuses, par exemple. Ce sont toujours des épisodes très brefs. C'est un grand solitaire. Et surtout, on devine que il passe par une époque à son retour du Vietnam où il vit de différents petits boulots où il ne parvient pas à trouver sa place dans la société américaine, une société qui ne veut plus spécialement de lui, qui n'a rien à lui proposer. Tout commence d'ailleurs de cette façon. Ceci, c'est véritablement le début de MacGyver dans une agence qui va avoir une très grande importance dans la série, qui est l'agence Phoenix. Phoenix, c'est vraiment l'employeur de MacGyver. Et c'est dans cet épisode, lors de cette scène-ci, qu'il va vraiment rencontrer donc tous les personnages qui feront qu'il pourra travailler pour Phoenix. On a tout d'abord ici Jack Dalton. Jack Dalton, c'est un ami de MacGyver qui connaît depuis l'école et qui est connu pour toujours se mettre dans des plans un peu foireux, toujours faire appel à l'aide, toujours appeler de l'aide auprès de MacGyver pour essayer de le sortir de ces situations compliquées. On a donc cet ami Jack Dalton, et Jack Dalton, parmi ses nombreuses lubies, s'est dit « je vais monter une compagnie de taxi ». Il monte une compagnie de taxi, il est le seul, il a un taxi, et c'est lui qui le conduit tous, hein, taxi, que voilà. Mais Jack Dalton fait un accident de roller skate et ne peut plus conduire son taxi. Alors il demande à MacGyver si MacGyver peut le remplacer, ce que MacGyver fait. Et alors qu'il est en train de conduire son taxi, arrive une dame, si on ne verra pas vraiment son visage de face, une dame qui monte dans son taxi, elle demande à s'arrêter un moment, elle sort du véhicule, MacGyver aurait été suivi par une autre voiture qui est conduite par Pete Thornton, qui est ici, qui est à la poursuite de cette femme, et qui va commencer à lui courir après. MacGyver prend Pete pour le méchant, et il se dit « je vais sauver cette femme ». Donc il commence à courir après Pete, et puis en fait il comprend que Pete est du bon côté, et que cette femme n'est pas une femme, mais que c'est Murdoch. Murdoch, le grand méchant de la série MacGyver, tueur, terroriste international, connu pour son art du déguisement, et qui, en réalité, avait pris les traits d'une femme. C'était engouffré dans le taxi de MacGyver, et Pete était juste en train de faire son travail pour la Fondation Phoenix, à savoir qu'il poursuivait ce méchant Murdoch. Pendant toute la suite de cette aventure, donc, MacGyver va aider Pete, du coup, à attraper Murdoch. Ils n'y arriveront pas, puisque Murdoch va toujours renaître de ses cendres, quoi qu'il arrive. Mais Pete sera touché, ému par toute cette activité, toute cette capacité de réaction de MacGyver, et il va lui proposer un job à la Fondation Phoenix. C'est comme ça que MacGyver va trouver un boulot et sortir de cette période pas très nette entre cette fin de guerre du Vietnam et son entrée donc dans cette fondation Phoenix. La fondation Phoenix, c'est d'abord un bâtiment. C'est une grande tour en verre qui se trouve à Vancouver. On peut encore la visiter aujourd'hui. Ça s'appelle The Cube. Elle a été restaurée il y a quelques années. Cette tour, c'est vraiment donc, ce sont les locaux de la fondation Phoenix. Structure pas très claire. On a du mal à situer exactement le périmètre de ces actions parce que la fondation Phoenix va pouvoir faire énormément de choses. On sait que à sa tête se trouve Pete Thornton. Il est ici à gauche. Pete Thornton qui va être un peu l'anti-MacGyver. On aura d'un côté le sportif, svelte, capable de faire toutes sortes de choses, et puis un Pete beaucoup plus maladroit, qui tout en étant le supérieur, est moins fort malgré tout que MacGyver dans toute une série de domaines. Alors Pete, ben, c'est le fameux Dana Elkar, c'est ce moment du générique où on le voit se retourner et qui restera en vie pour toujours. Alors Pete Thornton, il y a toute une histoire aussi avec le fait qu'il perdra la vue, à nouveau un rapprochement ici forcé entre la réalité et la fiction, puisque l'acteur lui-même a eu un problème de glaucome, et donc on a dû intégrer ça dans la série. Pete Thornton est donc à la tête de cette Fondation Phoenix. Fondation Phoenix, je vous disais, qui fait toutes sortes de choses. Il y a une évolution de la Fondation Phoenix à travers l'histoire, au fil de l'histoire de la série MacGyver. Dans un premier temps, la Fondation Phoenix, c'est vraiment une agence internationale au service du gouvernement américain dans des questions d'espionnage qui va aider l'armée. Donc c'est assez belliqueux quand même dans un premier temps et orienté vraiment conflits internationaux. L'ennemi, c'est vraiment ce sont les Soviétiques, très clairement au début de la série MacGyver. Mais avec le temps, forcément les années passent, on s'achemine vers la fin de la guerre froide, vers la chute du mur de Berlin. Il a fallu réorienter la série MacGyver et se tourner vers d'autres tâches, d'autres missions pour MacGyver. Et c'est à ce moment-là que se met vraiment en place une orientation plus sociale du personnage de MacGyver, qui va le rapprocher d'une autre série de l'époque qui est 21 Jump Street, où on a des policiers qui vont vraiment travailler sur le terrain, dans les milieux des jeunes en difficulté, dans certaines écoles. Et MacGyver, on va le voir aussi donc se mettre en place et prendre en charge toute une série de nouvelles missions plus très éloignées des grands problèmes, des grands conflits mondiaux. Ici MacGyver qui doit affronter le Yeti, donc on passe dans un registre un peu plus fantastique, où MacGyver qui va dans une relation de proximité venir en aide à des personnes âgées, à des jeunes en décrochage et d'autres. On voit d'ailleurs que la dernière saison de MacGyver, c'est une saison qui a tendance un peu à retourner sur elle-même, il n'y a plus de grands enjeux internationaux, et c'est là qu'on trouvera des épisodes, notamment celui-ci qui est resté un épisode culte, où MacGyver reçoit un pot de fleurs sur la tête, et dans son demi-coma, est projeté dans un Moyen-Âge complètement mythique, en compagnie de Merlin, et qui va réaliser des trucs dans des laboratoires de l'époque, mais qui va donc rejouer toutes ses compétences dans un nouvel environnement. Ce développement de l'écologie, ce développement d'actions plus sociales, s'accompagne aussi d'un développement d'une conception, vision plus économique aussi de MacGyver comme celui qui refuse l'économie de marché, qui est contre la surproduction, qui est contre l'hyperconsommation et qui va développer un peu avant l'heure des théories liées à la décroissance, par exemple. Ce n'est pas un hasard si, plutôt que d'utiliser des nouvelles technologies, MacGyver est toujours en présence de ce couteau suisse qui l'accompagne partout. Couteau suisse qui, de manière évidente, incarne la robustesse, la durabilité, le caractère historique aussi d'une production qui est là depuis des années. Donc MacGyver ne va pas perdre de temps avec des choses périssables. Alors certains ont pu dire que cette fin de l'histoire, c'était aussi la fin de MacGyver. Qu'à partir du moment où on ne pouvait plus envoyer MacGyver en Birmanie, en Allemagne de l'Est, en Amérique du Sud, pour régler des grands conflits internationaux, le personnage de MacGyver avait perdu de son sens et que le fait de le réorienter vers des petits problèmes du quotidien, des questions purement intérieures, eh bien que ça avait, d'une certaine façon, tué le personnage de MacGyver. On peut relativiser quand même cette idée parce que, finalement, ce qu'on retient aussi aujourd'hui de MacGyver, c'est quand même ce combat dans le domaine de l'écologie, c'est quand même ce côté grand frère qui va intervenir sur des petites choses du quotidien. La question ici, c'est de savoir, et c'est un peu le dernier mouvement, c'est de savoir quel est l'ennemi absolu de MacGyver, quel est son point faible. Le point faible de MacGyver, ce n'est pas, par exemple, le vertige. Il souffre de vertige, mais ce n'est pas un problème majeur. C'est quelque chose qu'il peut surmonter. Si on demande à MacGyver directement quel est son point faible, on peut vraiment pas compter sur lui, puisqu'il va répondre « J'ai un gros défaut. Chaque fois que je me retrouve face à une énigme, j'ai envie de la résoudre. » Donc, à nouveau, on ne peut pas se fier à MacGyver, trop optimiste pour voir exactement où se situe le problème. En réalité, peut-être que l'ennemi absolu de MacGyver, c'est un ennemi qui est présent dès le départ dans la série et qui est l'informatique. Les nouvelles technologies, mais en particulier l'informatique. Pourquoi ? On sait que MacGyver, en anti-James Bond, est un anti-gadget technologique. Il va quand même en utiliser de temps en temps. Vous avez ici un cas où MacGyver est sur une moto. Là, ici, sur le volant, sur le guidon, vous avez un système de géolocalisation. En fait, ce sont des flèches qui vous indiquent où se trouve cette montre. Une montre GPS qui a été fixée sous le châssis d'une voiture. Là, on est dans de l'hyper-technologie, déjà. Là, ça marche. Autrefois, ça ne marche pas. Et MacGyver va vraiment mettre à distance cette technologie. Il a une sorte de système. Ce sont des capteurs explosifs qu'on va mettre autour d'une porte. Et la première fois qu'il va les utiliser, en fait, c'est pour faire sauter, évidemment, la porte. Ça ne marche pas. Donc il va refaire des essais dans un parking, il a monté un châssis provisoire, il va l'extérieur de porte, il essaye, il est furieux, il donne un coup de pied dans la structure en bois, et c'est seulement à la fin de l'épisode que, réessayant quand même cette machine, là ça va quand même marcher. Mais la technologie a montré qu'elle n'était pas fiable, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Donc MacGyver, il lui arrive quand même d'utiliser du matériel, mais souvent il est défectueux. Par rapport à l'informatique proprement dite, très souvent MacGyver confie l'informatique à d'autres personnes. Il est à l'arrière-plan, c'est une dame ici, une scientifique qui s'occupe d'un ordinateur, puis t'en donne à son ordinateur, MacGyver est un peu plus loin. C'est très rare de le voir à un ordinateur. Ici, autre scène, il se trame des choses épouvantables, en fait, cette dame à côté de laquelle il se trouve est en train de pirater un ordinateur, ben, agit pour les forces vraiment du mal, n'en voit absolument rien, et c'est comme ça. L'informatique est souvent liée au mal. De façon générale, vous voyez ici, il récupère une disquette qui comporte des données extrêmement sensibles. Il faut empêcher la prolifération de ça. Voici ici un ordinateur maintenant décrypteur, qui est aux mains à nouveau des méchants, et qu'il va falloir récupérer. Alors, la grande question, c'est est-ce que MacGyver sait se servir ou pas d'un ordinateur? C'est la question qui m'a beaucoup interpellé. La réponse est oui. Et même plus que bien, puisqu'ici, il va réussir quand même à envoyer, on est dans les années 80, 555.082 cents, il envoie des données au départ d'un ordinateur, d'un combiné de téléphone, Au début, ça se passe très bien, mais une fois qu'il les réceptionne, de l'autre côté, il n'arrive pas à les lire. Et donc là, à nouveau, il doit faire appel à quelqu'un, parce que ce n'est pas un crack en informatique. Il a quand même un ordinateur chez lui. En réalité, toute cette dimension informatique, dès le départ, McGavern va devoir se battre contre elle, et c'est en particulier présent dans un épisode qui s'appelle « Le facteur humain », au cours duquel McGavern va devoir montrer les défaillances techniques d'un système d'intelligence artificielle qui contrôle tout un bâtiment. Ce système va dérailler, comme vous pouvez le voir ici, ça finit très vite en explosion, il prend le contrôle du bâtiment. McGavern va devoir lutter contre ces robots, notamment, une sorte de petit R2-D2 poubelle, qui ont des capteurs thermiques et qui envoient des rayons laser, comme dans la guerre des étoiles. Vous avez quelques scènes ici de cet épisode. McGavern va lutter et triompher de cette informatique en mettant des aimants en feu sur ces robots qui vont s'entre-détruire. Donc le facteur humain, McGavern l'aura emporté parce que, comme il dira, vous ne pouvez pas programmer le fait de fonctionner avec les tripes. Ça, c'est quelque chose qu'on a, mais que eux n'ont pas. Donc, il est comme ça, mais pourtant, et je terminerai avec ceci, on a pu voir dans les derniers épisodes l'arrivée d'un nouveau personnage qui m'a beaucoup perturbé, qui est celui-ci, un double de McGavern, qui s'appelle Dexter Fillmore. Dexter Fillmore est un personnage sous lequel McGavern va se cacher, et c'est un informaticien, programmeur, qui, alors que McGavern est plutôt côté hardware, machine, lui c'est le génie du software, des logiciels. C'est vraiment son truc. Dexter Fillmore est un individu très bizarre. Il réalise ici, pour tromper l'ennemi, un logiciel de pari en réseau déjà dans le monde, le milieu des courses de chevaux. Il y a tout une histoire autour de ça, mais il fait croire en tout cas qu'il l'a fait. Voilà. Dans un autre épisode où on voit à nouveau McGavern est au fond, mais il n'est pas devant l'ordinateur. C'est beau, il y a quelqu'un qui fait tout pour lui. Il repasse ici pour un cracker, un pirate informatique qui aurait été mis en prison et qui va devoir décrypter des données pour des méchants, mais qui n'arrivera pas à le faire à nouveau. Il ne se passe encore rien. Et troisième apparition, cette fois, ce Dexter Fillmore est envoyé pour échanger des données, une balle de baseball qui contient un émetteur-récepteur contre des cartes à jouer. Et donc ici, ce sont des photos, pardon, ce sont pas des cartes à jouer, c'est ces photos de baseball. Donc ici, il va passer en collectionneur. Ce ne sont pas ces capacités informatiques qui seront mises en avant, mais ce côté, en fait, simplement geek. Le personnage de Dexter Fillmore, c'est ce nouveau geek qui est en train d'apparaître et qui remplace un peu le geek à l'ancienne tel qu'on avait pu le connaître avec McGavern. McGavern, c'est un pro de la mécanique, de la chimie, de la physique. Ce n'est pas un pro de l'informatique. Les pros de l'informatique, entre guillemets, sont en train d'apparaître et McGavern va non pas tellement devenir comme eux, il va devenir ce Dexter Fillmore, qui est un personnage ridicule, risible, pour se moquer aussi d'une certaine façon de cette montée en puissance de personnes qui collectionnent des cartes de baseball, qui font des logiciels qui ne marchent pas et autres. Alors cette évolution, ben c'est peut-être en ça que McGavern est le plus difficile à saisir aujourd'hui, c'est que on est vraiment à un moment charnière où les compétences informatiques qui n'existait pas dans la première programmation, on va dire, du personnage de McGavern, sont en train de devenir un passage obligé. Aujourd'hui, tous les héros comparables à McGavern sont des cracks en informatique qui ne passent que ça, comme dans Esprit Criminel, ou simplement comme Sherlock, son équivalent dans Les Mains de Tari, l'équipe aussi de Scorpion, sont toutes des personnes qui sont des cracks en informatique. Alors, est-ce que McGavern... Oui, et ceci aussi qui me faisait penser, on voit une série par exemple comme Person of Interest, à une phrase qui résume vraiment très bien ça, c'est le très très beau personnage de la série Person of Interest, c'est Elias, un mafieux à l'ancienne dans un monde ultra technologique, qui dira il n'y a plus de place pour des gens comme nous. Il n'y a plus de place pour des gens comme nous, c'est peut-être un peu le discours implicite aussi de MacGyver. Alors, est-ce que MacGyver l'a emporté face à cette technologie? Est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il perd? Pour conclure, je dirais que MacGyver, de toute façon, gagne toujours, puisque, comme il nous l'a enseigné, si ça marche, ça nous empêchera d'être attrapés. Si ça ne marche pas, ça nous empêchera de devenir vieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tanguy, merci d'avoir si bien dévoilé les mécanismes de cette série et tout cet aspect de système D, effectivement, de facteur humain, de cet art de bricolage opposé finalement à la maîtrise technologique d'un James Bond, hein, des oppositions évidemment phares dans la série. Merci beaucoup. Vous avez reçu le dernier petit épisode de la Fondation Phoenix, pardon, de la Bibliothèque de Littérature d'Aventure. Voilà, vous avez le tout prochain rendez-vous, c'est le Seigneur de l'Imaginaire. C'est donc dans un peu moins d'un mois, la fin de semaine, on se retrouvera ici même avec David Pino-Barros, qui vient de Porto, pour nous parler de héros extrêmement franco-belges, puisqu'on parlera de Blake et Mortimer. Voilà, merci de votre présence, à bientôt. Et donc après, tu sais, j'ai un peu oublié, j'ai plus jamais regardé. Mais tout ce que tu as dit, je vois. Chers collègues. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Oui, oui, c'est un peu jeune, je ne sais pas si on s'est jamais rencontré. Je connaissais ton nom. Je pense que vous êtes jamais eu bien. Travailler est un grand mot. L'échange. Quelle belle idée de faire ce genre de magie. C'était très bien. Moi qui travaille sur des réparateurs de vieilles machines qui ont beaucoup de résistance par rapport à la technologie, je ne m'attendais pas à la fin, mais c'était en résonance. Ben, moi je travaille sur une phénoménographie des réparateurs de locomotives à vapeur et on a fait une nageur samedi consistait à l'exclusion d'un membre qui est rétrograde. Ça résonnait bizarrement. Donc c'était très bien, c'était très chouette. On enchaîne sur un autre rendez-vous. Heureux de t'avoir rencontré, de t'avoir vu. À bientôt. Oui. Salut. Bonjour. Merci. Il est là. Je vais passer à une question publique. Ça va être sur le terrain. Il est là. C'est un peu. Pardon, c'est bon. Oui, c'est les gravités. Salut, ça va bien? Je voulais vous poser une question. Vous savez, pour les Linux, si vous utilisez le Google Drive, ça fait beaucoup de je sens que ça n'allait pas marcher. J'avais l'intention de passer un temps sur ça. Il y a deux erreurs. Ça arrive. C'est le seul marin qui met à son pied. Et donc, moi, qui arrive, je m'intéresse pas trop. Ah oui. Bon, j'aurais quand même peut-être la garde avec la scie. Parce que celle-là, ils n'ont pas passé. Je vous posais la question s'ils avaient passé. Ouais. Une passeron de deux. C'est l'escalier. Ce qui est bien, en plus, ce qui serait bien. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi en penser.